Lettre 18e, suite de la lettre d'Evelina. Je n'eus pas plutôt achevé ma lettre de ce matin que j'entendis frapper fortement à la porte. Je descendis et devinai qui je trouvais dans la salle des visites, Mylord Orville. Il était seul, car la famille ne s'était pas encore assemblée pour le déjeuner. Il s'informa de ma santé, de celle de madame et de Miss Mirvan. J'étais surprise du degré d'intérêt qu'il semblait attacher à ces questions, mais j'en suis bientôt le motif. Il venait d'être informé de l'accident qui nous était arrivé à Ranelagh. Il m'en témoigna son inquiétude dans les termes les plus polis, et il regretta d'avoir manqué l'occasion de nous offrir ses services. « Mais, ajouta-t-il, Sir Clement Willoughby, si je ne me trompe, a été plus heureux que moi. » Je lui répondis qu'il avait été avec le capitaine Mirvan. « On m'avait dit qu'il était de votre parti, madame. » J'espère que cet étourdi ne se sera pas vanté d'avoir borné ses secours à moi seul. En attendant, Mylord Orville ne pressa point ce sujet. Il me dit qu'il espérait que cette fâcheuse aventure ne m'empêcherait pas de continuer à embellir Ranelagh de ma présence. Le temps de notre séjour à Londres est sur le point d'expirer, Mylord. Comment, madame, comptez-vous nous quitter si vite? Oui, Mylord, nous ne sommes déjà arrêtés plus que nous ne pensions. Avez-vous donc un goût si décidé pour la campagne? Nous n'avons fait le voyage que pour venir à la rencontre du capitaine Mirvan. Et Miss Sandville ne s'intéresse-t-elle pas un peu à tant de personnes qui seront affligées de son départ? Mylord, je suis sûr que vous ne vous imaginez pas... J'en demeurai là, et certes, je ne savais pas ce que j'allais dire. Mon ridicule embarras m'en attira un second. Mylord Orville s'avança vers moi et me prenant la main, il me dit... « Je m'imagine qu'il suffit d'avoir vu une fois Miss Anville pour en conserver un souvenir qui ne s'efface pas aisément. » Un tel compliment, dans la bouche du Lord, me coupa entièrement la parole. Je sentis que je changeais de visage. Je ne dis mot et je baissai les yeux. Je me remis pourtant d'abord, et en retirant ma main, je lui dis que j'allais voir si Madame Mirvan était habillée. Il ne me retint point et je sortis. Je rencontrai toute la famille sur l'escalier, et je rentrai avec eux pour déjeuner. C'était là le moment de lui faire des excuses de ma conduite du rideau tôt, et je suis fâché de l'avoir laissé échapper. Mais à dire vrai, cette affaire ne me revint point dans l'esprit pendant ce court tête-à-tête. Si cependant je retrouve jamais une occasion aussi favorable, je la mettrai sûrement à profit. L'idée de passer à ses yeux pour sotte ou pour présomptueuse me chagrine véritablement, et je me veux bien du mal d'y avoir donné lieu, en quelque façon, par ma propre faute. « Mais que dites-vous, monsieur, de ce compliment? Ne vous paraît-il pas singulier? Je ne m'y attendais pas de sa part. Mais la galanterie est, je crois, commune à tous les hommes, quelle que soit d'ailleurs leur bonne qualité. Notre déjeuner fut le plus délicieux de tous les repas que nous ayons fait ici depuis notre arrivée. Si cette madame Duval n'y était pas, je commencerais à me plaire à Londres. La conversation du Lord Orville est des plus agréables. Ses manières douces, polies et modestes inspirent la confiance et lui assurent une estime générale. Loin de se reposer sur son mérite, il cherche toujours à plaire dans les sociétés et quoique sûr d'un succès constant, il n'en tire pas la moindre vanité. Qu'il diffère en cela de la plupart des jeunes gens d'ici, qui, sans atteindre à ses perfections, affichent des airs de prétention insupportables. Je voudrais, mon très cher monsieur, que vous fissiez la connaissance de ce Lord Orville. Je suis persuadé que vous l'aimeriez. Il est le seul à Londres pour qui j'étais tenté de faire un pareil souhait. Quelquefois, je me représente que lorsque l'âge aura ralenti sa vivacité et qu'il mènera une vie moins dissipée, alors il pourra bien ressembler à l'homme que j'aime et que j'honore le plus. Sa douceur actuelle, sa politesse, une modeste défiance de lui-même, semblent présager pour l'avenir cette même bienveillance, cette dignité et cette bonté de cœur que j'admire en vous. Mais je m'étends trop sur ce sujet. Après que Mylord se fut retiré, sa visite fut bien courte, je me préparais, quoique avec répugnance, à retourner chez Madame Duval. Madame Mirvan eut la bonté de m'éviter cet ennui. Elle proposa au capitaine de la faire prier à dîner. Il y consentit, étant d'ailleurs bien aise, disait-il, de lui demander des nouvelles de son négligé de soie. Elle acceptait l'invitation et on l'attend à tout moment. Je ne comprends pas qu'une femme, qui est maîtresse absolue de son temps, de ses biens et de ses volontés, puisse consentir à s'exposer de son plein gré aux incivilités d'un homme qui a visiblement pris la tâche de se jouer d'elle. Mais elle est peu connue ici, et je suppose qu'elle ne sait pas trop comment s'occuper. Que ne dois-je pas, Madame Mirvan, de ce que son amitié veut bien me sacrifier un temps qu'elle passera très mal elle-même? Chaque querelle que suscite son indigne mari lui prépare de nouveaux chagrins. Cette considération m'a engagé aussi de la prier de ne point inviter Madame Duval, mais elle m'a répondu qu'elle ne souffrirait pas que je passasse tout mon temps loin d'elle. Cette excellente dame a pour moi des bontés de mère.